Théorie de Kant sur la religion dans les limites de la raison. Cinquième partie, sur les mystères. Les recherches dont la nature intime de toute croyance religieuse est l'objet, aboutissent inévitablement à un mystère, c'est-à-dire à quelque chose de sacré, dont l'existence ne peut être reconnue et communiquée que par la raison morale, et qui, par là même, cesse d'être un mystère. Mais la première cause de l'existence de cet objet sacré, ou la manière dont cette existence est possible, voilà ce qui est impénétrable et profondément mystérieux dans tous ces objets sacrés. Comme le côté pratique de la religion ne peut consister que dans l'observation des préceptes de la loi morale, en tant qu'ils sont des commandements de Dieu, ce que l'homme a à faire, conformément à la pure croyance religieuse, n'est point un objet de foi, mais plutôt celui d'un savoir positif. Comme l'homme ne peut réaliser l'idée du bien suprême qui est inséparablement liée au sentiment purement moral, et qu'il reconnaît pourtant en lui comme un devoir d'y travailler, il se trouve alors porté à croire à la coopération d'un législateur moral du monde. Tout ce que ce maître moral peut faire pour notre sanctification et béatification, est un secret de la religion, un mystère. Conformément aux besoins de la raison pratique, Dieu, en sa qualité de dominateur moral du monde, est, sous trois caractères essentiellement différents, un objet de foi, premièrement comme auteur moral du monde moral et physique, créateur du ciel et de la terre, comme législateur saint, deuxièmement comme conservateur moral du genre humain, comme souverain plein de bonté, troisièmement comme administrateur des lois morales, comme juge intègre. Cette croyance à une triple représentation de Dieu, ne renferme réellement aucun mystère, elle n'exprime point des individualités physiques et diverses dans la divinité, mais simplement ses rapports avec le genre humain. Il suffit de la raison pour la concevoir complètement, et elle se rencontre dans la religion de la plupart des peuples civilisés. Cette croyance ayant été introduite d'abord dans la doctrine chrétienne, et, par celle-ci, publiée pour la première fois dans le monde, sa manifestation peut bien être considérée comme une révélation de ce qui, par la seule faute des hommes, avait été, jusqu'à ce moment, un mystère pour eux. D'après cette croyance, il ne faut pas premièrement se représenter le saint législateur comme favorable ou indulgent à l'égard des faiblesses des hommes, ni comme despotique dans l'exercice de ses droits illimités, mais plutôt comme proportionnant les lois qu'il impose à la sainteté possible de l'humanité. Deuxièmement, sa bonté ne consiste pas dans une bienveillance absolue, mais dans une bienveillance qui, bornée à la conduite morale, vient au secours de l'impuissance de l'homme. Troisièmement, nous ne devons pas imaginer que sa justice soit tout débonnaire, en tant qu'elle se laisserait corrompre par des marques d'amour, ou rigoureuse en ce qu'elle ne verrait que la loi, sans avoir égard aux bornes de la nature humaine. Ainsi Dieu, dans une personne, trois fois diversement morale, représente comme symbole de foi, toute la religion morale, dans laquelle ces trois qualités, spécifiquement différentes, ne s'identifient et ne se confondent pas plus entre elles, qu'on ne peut les attribuer à trois êtres divers. Dieu, dis-je, est dans cette Trinité sainte, l'objet de la pure croyance religieuse, qui, sans cette triple distinction et d'après le penchant de l'homme à se représenter la divinité comme un chef humain, courait le risque de dégénérer en une servile croyance d'anthropomorphisme. À cette croyance, se trouvent inséparablement liés trois mystères que la loi morale rend tout à fait intelligibles, le mystère de la vocation, celui de la satisfaction et celui de l'élection. Premièrement, mystère de la vocation qui nous appelle à être citoyens d'un état divin. Nous ne pouvons concevoir la soumission générale et absolue de l'homme à la législation divine, sans nous considérer en même temps comme sa créature. L'idée de création ne s'accorde avec celle de législation morale, qu'autant que nous ne pouvons attribuer à un être produit, aucun autre principe intérieur de ses actions que celui qui y aurait développé la cause créatrice. Mais chaque action de cet être étant ainsi déterminée, il ne serait plus libre. La divine et sainte législation ne pouvant concerner qu'un être libre, ne se conçoit que tant qu'on se représente cet être libre comme existant déjà, déterminé non par la dépendance naturelle en conséquence de sa création, mais par une simple nécessité morale, conformément aux lois de la liberté, ou par sa vocation à être citoyen d'un royaume divin. La vocation dans ce but est moralement très claire. Sa réalité nous est révélée par la loi morale, mais sa possibilité est un mystère inaccessible à la spéculation. Mystère de la satisfaction. L'idée de la sainteté ne s'allie point à celle de la bonté de Dieu, relativement au pardon des péchés dont tous les hommes ont besoin. Car, en détruisant en lui la mauvaise maxime générale, ou en revêtant de plus en plus le nouvel homme, le pécheur satisfait ses obligations pour le présent et pour l'avenir, mais il ne satisfait point au passé. C'est donc seulement par une satisfaction substituée que le pardon des péchés peut se concevoir. Le pécheur ayant obtenu grâce, il lui sera, par bonté, tenu compte du mérite de ses sentiments actuels et futurs pour l'extinction de ses anciennes dettes, et il sera ainsi accordé à l'homme nouveau déchargé du péché, d'avoir pour le vieil homme satisfait à la justice divine. Admettre la possibilité de cette satisfaction est nécessaire en pratique. Elle est, au reste, révélée par la loi morale, mais elle n'en demeure pas moins un mystère impénétrable pour la raison théorique. Mystère de l'élection. Alors même que l'on convient de la possibilité de cette satisfaction substituée, elle ne peut cependant être avantageuse à l'homme que dans le cas où, par le libre changement de son cœur, il s'est rendu susceptible du bienfait de cette substitution. Mais les lumières de la raison ne peuvent allier l'idée de ce changement avec celle du penchant au mal dans l'homme. Comme le libre changement du cœur est, en dépit du mal radical, ordonné par la loi morale, il doit conséquemment être possible. Il faut admettre en faveur de cette possibilité, que la liberté de ceux qui changent véritablement leur cœur, est soutenue par une sorte d'assistance divine, qui n'empiète ni sur la liberté de l'homme, ni sur la justice de Dieu, mais est pour vous absolument incompréhensible. C'est une prédestination dont tout homme peut espérer être l'objet, pourvu qu'il fasse sincèrement son devoir. Elle lui est révélée par la loi morale, bien qu'elle soit toujours pour sa raison théorique un mystère impénétrable. Quant à ces mystères, en tant qu'ils ont rapport à l'histoire de la vie morale de chaque homme, savoir, comment il est possible qu'un bien ou un mal moral soit dans le monde? Comment du dernier peut sortir le premier pour être réintégré dans un homme? Ou pourquoi, si cela arrive pour quelques-uns, d'autres en sont-ils exceptés? Quant à ces mystères, dis-je, Dieu ne nous a rien révélé, et ne peut aussi rien nous révéler, parce que nous ne le comprendrions pas. Mais, Pour la règle objective de notre conduite, tout ce dont nous avons besoin nous a été suffisamment révélé, et cette révélation est intelligible pour chaque homme.